Michel Arnault présente Le Menteur de Venise de Carlo Goldoni. Dans le théâtre comique, comédie qui dans l'œuvre de Carlo Goldoni est un peu l'équivalent de l'impromptu de Versailles dans celle de Molière, celui qui n'était pas encore l'auteur de la Locandiera met dans la bouche de l'un de ses personnages, en même temps que son opinion sur le théâtre français, sa conception d'une comédie vraiment italienne. J'apprécie, j'estime, j'admire les pièces françaises, dit le chef de troupe du théâtre comique, mais elles ne font pas mon affaire. Pendant un siècle entier, les Français ont triomphé dans l'art de la comédie. Mais il serait temps maintenant que l'Italie fît connaître que n'est pas éteinte chez elle la race de ces bons auteurs qui, après les Grecs et les Latins, ont été les premiers à enrichir et à illustrer le théâtre. Certes, on ne peut nier qu'il y ait de beaux caractères et bien soutenus dans les comédies françaises, que les passions y soient très habilement traitées, que le dialogue soit aussi spirituel que brillant, mais il me semble que le public français se contente de peu. En effet, un seul caractère lui suffit pour soutenir l'intérêt d'une comédie. Les Italiens, eux, exigent bien davantage. Ils veulent non seulement que le caractère principal soit fort, original et vrai, mais aussi que presque tous les personnages épisodiques soient également des caractères, que l'intrigue soit féconde en incidents et en surprises, et que le dénouement, bien qu'amené par l'action même, soit inattendu. Est-il utile d'ajouter que le même personnage du théâtre comique, parlant toujours au nom de Goldoni, exprime aussi l'opinion de celui-ci sur cette règle des trois unités qui a pesé si lourdement sur le théâtre français. Goldoni admet l'unité d'action et de temps, mais refuse l'unité de lieu, d'où, dit-il, découlent mille absurdités, mille invraisemblances et mille indécences. Ainsi ne faut-il pas s'étonner qu'en écrivant ce menteur, dont une adaptation vous est proposée aujourd'hui, Goldoni ait fait œuvre vraiment italienne. Il avait vu représenter à Florence une traduction assez médiocre de la pièce de Corneille, et, note-t-il dans ses mémoires, je m'étais dit en la voyant, voilà une bonne comédie, mais le caractère du menteur serait susceptible de beaucoup plus de comique. Fidèle à ses principes, tout en s'inspirant de l'œuvre de Corneille, à qui il emprunte certaines scènes, Goldoni écrivit donc beaucoup plus qu'une simple et paresseuse adaptation, et il eut raison. Car, aussi bien à Mantoue, où il fut créé au printemps 1750, qu'à Milan et à Venise, où il fut repris la même année, le Menteur de Venise eut, dit-il lui-même, dans ses mémoires, tout le succès que je pouvais désirer. Aspect de la comédie italienne. Le Menteur de Venise de Carlo Goldoni. Adaptation inédite de Michel Arnault. Avec Christian Allers, Marcel André, Claude Pieplu, André Gilles, Annie Sinigaglia, Gabriel Jabour, Robert Moncade, Nicole Vassel, Guy Bousquet, Catherine Lecouet. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Il y a des gens qui disent que d'un mal naît parfois un bien, mais moi, tout en reconnaissant qu'il arrive que ce soit vrai, je serais tenté de dire également le contraire, et que d'une bonne idée peut parfois résulter une série de catastrophes. À preuve, ce qui s'est passé après la sérénade que l'autre soir M. Florindo a donnée à Mme Rosa Ura. Ah, cette sérénade, elle a bien failli avoir un tout autre effet que celui que M. Florindo... Mais j'y pense peut-être qu'avant d'aller plus loin, il serait poli que je me présentasse. Brighella, actuellement dans l'hôtellerie, ici à Venise, et précédemment au service à Bologne du père de ce monsieur Florindo, dont je viens justement de vous parler, et pour lequel, je l'ai connu tout petit, j'ai une inaltérable affection. Donc, pour en revenir à mon histoire, monsieur Florindo était amoureux fou de madame Rosa Ura, la fille aînée du docteur Balanzoni. Et quand on est amoureux fou, que l'on est à Venise, que c'est le printemps, qu'il fait clair de lune et qu'on en a les moyens, on loue des musiciens et on donne une sérénade à sa bien-aimée. Et c'est évidemment ce que monsieur Florindo avait fait ce soir-là. Et moi, j'étais avec lui et debout dans l'ombre de la petite place. Nous attendions, l'œil fixé sur le balcon de la maison de monsieur le docteur. monsieur, je veux dire aux musiciens de jouer plus fort. Non, non, non, Brighella. Mais monsieur, personne n'écoute votre sérénade. Madame Rosaura doit dormir à point fermé. Oh, si ma bien-aimée Rosaura dort, tant mieux. Peut-être dans son sommeil, ma sérénade lui sera-t-elle comme un doux rêve. Vraiment, monsieur, jamais je n'ai vu un amour aussi singulier que le vôtre. Je vous garantis bien que si, comme vous, j'habitais la même maison que la dame de mes pensées et que, comme vous, j'apprisse la médecine avec monsieur son papa, je n'aurais pas besoin de musicien pour faire connaître mes sentiments. Voyons, monsieur, vous avez chaque jour mille et une occasions de dire à madame Rosaura ce que vous avez dans le cœur. Oh, parlez de mon amour à Rosaura lorsque je défaille rien qu'à lui souhaiter le bonjour, mais jamais, jamais. Vous avez donc l'intention de continuer longtemps ce petit jeu de cache-cache? Jusqu'à quand voulez-vous aimer et souffrir en silence? Je suis libre d'aimer à ma guise, il me semble. Je te trouve bien impertinente. Chut! La voici avec sa sœur. J'ai l'impression que Rosaura écoute avec plaisir ma sérénade. Je suis ravi. Mais elle ne se doute même pas que les musiciens jouent pour elle. Et encore moins qu'ils le font sur votre ordre. Peu m'importe. Ce désintéressement vous honore, mais moi, à votre place, j'irai maintenant me promener sous le balcon. L'air de rien, bien entendu, mais avec tout de même un petit quelque chose qui permette de soupçonner que vous êtes le responsable de ce délicieux concert. Oh, Brighella, tu l'as raison personnifiée. J'allais commettre l'imprudence de rentrer chez le docteur par la grande porte. Mais heureusement, tu m'as mis en garde, et pour ne pas éveiller de soupçons, je vais faire le tour et passer par la porte de derrière. Ah, monsieur, vous ferez mon désespoir. Peut-on aimer comme cela? C'est l'amour vrai, Brighella. Aimer sans le dire. Oui, malgré tout, cette sérénade aurait pu ne pas être une si mauvaise idée. Elle avait, en tout cas, piqué la curiosité de Madame Rosaura et de sa sœur Madame Béatrice. Et, s'attardant sur leur balcon, elle s'interrogeait à son sujet. Vraiment, Béatrice, cette sérénade était du meilleur goût. En dehors de nous deux, je ne vois personne dans le voisinage à qui elle ait pu s'adresser. Si l'on savait au moins à laquelle de nous elle était destinée et à qui nous en sommes redevables. C'est sûrement un amant de votre beauté, Rosaura. Non, Béatrice, ce serait plutôt un admirateur de votre mérite. Monsieur Octave semble amoureux de moi. Mais si c'était lui qui a commandé cette sérénade, il ne s'en serait certainement pas caché. Ce ne peut être Monsieur Florindo. Plusieurs fois j'ai essayé de lui parler avec amitié, mais c'est à peine s'il m'a écoutée. Rosaura, voyez-vous ces deux hommes qui viennent de sortir de l'auberge de l'Aigle? Oui. À leur allure et à leur costume, il semble que ce soit le maître et le valet. Rentrons. Mais non! De quoi avez-vous peur? Il fait si bon. Restons encore un peu. Bien entendu, Madame Rosaura ne demandait qu'à écouter Madame Béatrice. Et elle resta. Et, discrètement, les deux sœurs observèrent l'inconnu qui, inutile de le dire, semblait beau et bien fait. Or, cet inconnu... Mais je vous laisse plutôt écouter la conversation qu'il avait avec son valet. Regarde, regarde, Harlequin, ces deux dames qui sont là-bas sur le balcon. Mmh. Je les ai aperçues de la fenêtre de ma chambre et malgré l'obscurité, elles m'ont paru ravissantes. Ah, vous serez toujours le même, monsieur Lelio. Mmh. Pour vous, d'une manière ou de l'autre, toutes les femmes sont belles. À Rome, Madame Cléonis, elle aussi, vous paraissait ravissante, mais vous n'en avez pas moins abandonné. Cléonis? Je ne me rappelle même plus si elle était blonde ou brune. Mais pour s'attarder ainsi sur leur balcon, ces deux jeunes personnes ne doivent pas être très farouches. Je veux tenter ma chance avec elles. C'est-à-dire que, comme à votre habitude, vous allez leur débiter 20 mensonges tous les deux mots. Harlequin, tu es un impertinent! Ce que tu appelles des mensonges, ce ne sont que de spirituelles inventions. Spirituelles ou pas, vous feriez mieux d'aller chez Monsieur Pantalon, votre père, au lieu de courir... Mon père est à la campagne. Quand il sera de retour à Venise, j'irai chez lui. Et en attendant, vous voulez loger à l'auberge? Bien sûr, pour profiter de ma liberté. C'est le carnaval et j'avais 4 ans quand j'ai quitté Venise il y a 20 ans. Oh, ces deux dames m'ont l'air vraiment charmantes. Mais avant de lier conversation avec elles, je voudrais être sûr que ce n'est pas le clair de lune qui me joue des tours. Aussi, Harlequin, tu vas aller à l'auberge et demander à l'un des valets qui elles sont, si elles sont passables et comment elles se nomment. Ah, tout ça, ben, il va me falloir un mois. Dépêche-toi, sinon... Bon, je cours. Et puis, après tout, même si elles sont laides, qu'est-ce que je risque? Quelle nuit splendide! Mais ce n'est pas étonnant, puisque deux incomparables astres sont là pour l'illuminer. Et il n'y a pas de danger que les humides rayons de la lune me blessent quand deux aussi étincelants soleils réchauffent l'atmosphère. Elles sont plus séduisantes l'une que l'autre. Mesdames, si je ne craignais d'être taxé de témérité, j'oserais souhaiter le bonsoir à vos seigneuries. Monsieur, c'est un honneur que vous nous feriez. Vous êtes trop bonne. Vous prenez le frais, mesdames? Oui, nous nous sommes un peu attardés, contre notre habitude, parce que notre père est absent. Ah, monsieur, votre père est absent de Venise? Oui, mais il rentre demain matin. J'en suis ravi. Vous le connaissez? Si je le connais, c'est l'un de mes grands amis. Où est-il allé, si ce n'est pas indiscret? À Padoue, voir un malade. Ah, c'est que monsieur votre père est un grand médecin, la gloire de notre siècle. De grâce, monsieur, qui êtes-vous? Vous semblez nous connaître, mais je dois avouer que... Je suis un adorateur de votre mérite. Du mien ou de celui de ma sœur? De celui de l'une de vous, mesdames. Oh, je vous en prie, consentez à nous dire laquelle. Permettez-moi de garder encore le secret là-dessus. En temps voulu, je me déclarerai. Mais, excusez-moi, j'aperçois mon serviteur un ordre à lui donner. Alors, comment s'appelle-t-elle? Je sais tout. Ce sont les filles d'un cher. Comment s'appelle-t-elle? Attendez tout de suite. Leur père est un médecin. Vas-tu me dire leur nom? Bon. Eh bien, il y en a une qui s'appelle Rosa Aura et l'autre Béatrice. Elle... Ça me suffit. Bon. Pardonnez-moi, mesdames. Je vous en prie. Mais ne nous direz-vous pas au moins si vous êtes d'ici? Je suis un gentilhomme napolitain. Mais alors, comment nous connaissez-vous? Il y aura bientôt un an que je suis à Venise, incognito. Mais je venais à peine d'arriver que j'eus le bonheur de vous voir, l'une et l'autre. Quelque temps, je le confesse, j'ai balancé, ne sachant à laquelle de vous deux donner mon cœur, mais finalement, j'ai été contraint de me déclarer. Pour qui? Je ne puis vous le dire. Pourquoi? Parce que je crains d'avoir été devancé dans le cœur de celle que j'idolâtre. Je puis vous assurer que le mien est libre. Et le mien aussi. Pourtant, cette sérénade que j'ai entendue tout à l'heure... Je vous jure sur mon honneur que nous en ignorons l'auteur. Le ciel m'est témoin que je ne sais pas qui nous la devons. Je vous crois. Mais sans doute, souhaiteriez-vous le savoir. J'en meurs d'envie. Nous sommes femmes. Et c'est tout dire. Eh bien, je m'en vais satisfaire votre curiosité, mesdames. Cette sérénade qui a eu l'air de vous plaire est un faible témoignage des tendres sentiments que je nourris pour l'élu de mon cœur. Et vous ne voulez toujours pas nous dire qui elle est? Je vous en conjure, n'insistez pas. Épargnez ma timidité. Dans ce cas, si aucune de nous deux ne vous remercie, ne vous en prenez qu'à vous-même. Une aussi piètre démonstration d'estime ne mérite pas de remerciement. Lorsque j'aurai l'honneur de servir ouvertement celle que j'aime, j'étonnerai Venise par le luxe et le bon goût des fêtes que je donnerai pour elle. Condescendez du moins à nous dire votre nom. Don Astrobal, marquis de Castel d'Oro. Rentrons, Béatrice, sinon il va nous prendre pour des coquettes. Vous avez raison, nous nous sommes déjà trop attardés. Monsieur le marquis, avec votre permission... Le grand air commence à nous faire mal à la tête. Vous voulez déjà vous retirer? Notre camériste nous presse de rentrer. Il faut bien que je me résigne à vous voir disparaître de mon ciel. Mais demain, si vous le permettez, je viendrai vous présenter mes hommages. Tout beau, monsieur l'amant timide, tout beau. On n'entre pas chez nous avec cette facilité. Aurais-je au moins la joie de m'entretenir avec vous quand vous serez à votre balcon? Si nous vous y autorisons. Et si vous vous déclarez. Dès le retour de monsieur votre père, je le ferai. En attendant... Monsieur le marquis, je vous salue. Don Astrubal, je suis votre servante. Monsieur le gentilhomme napolitain, je vous baise les mains. Qu'en dis-tu? M'en suis-je assez bien tiré? Ah, ça! Gentilhomme napolitain, depuis un an à Venise, la sérénade, le luxe des fêtes que vous donnerez à votre belle. Eh ben, ça en fait déjà cinq. Et j'en oublie sans doute. Cinq mensonges plus gros les uns que les autres. Non mais comment diable faites-vous pour imaginer toutes ces sornettes et ne jamais vous embrouiller? Imbécile! Je te répète que ce ne sont là que de spirituelles inventions. Quand te décideras-tu à comprendre que si l'on veut s'amuser un peu en ce monde et ne pas laisser échapper les bonnes occasions, il faut avant tout de la présence d'esprit? Ouais. N'empêche qu'il me tarde de voir le père de ce fou arriver à Venise. Sinon, pour manger, il va falloir qu'on mette toutes nos affaires au clou. Oh, mais voici une autre femme au balcon. Ma foi, j'ai envie de voir si la méthode de mon patron ne me réussirait pas à moi aussi. Je salue dévotieusement ce joli minois qui illumine la nuit et que l'on ne peut contempler sans être d'amour blessé. C'est à moi que vous parlez, monsieur. Évidemment, puisqu'il n'y a que la lune et vous. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis Don Picaro de Catalogne. Excusez-moi, monsieur, je suis un peu ignorante. Don, n'est-ce pas un titre que l'on donne aux gentilshommes? Ah, tout juste, madame, tout juste, tout juste. Et j'en suis un, et je ne suis pas que cela. Je suis aussi un homme qui se meurt, qui agonise, qui pantelle. Ah oui, madame, qui pantelle littéralement d'amour pour vous. Mais je ne vous connais même pas. Je suis un amant timide et pudibond. Oh, monsieur, avec moi, vous n'avez pas besoin d'être tout ça, car je ne suis qu'une pauvre servante. Mais c'est tout à fait mon affaire. C'est, servante ou reine, pour moi, c'est du pareil au même. Dites-moi un peu, belle soubrette, avez-vous entendu la sérénade? Oh, oui. Oui. Eh bien, c'était moi qui jouais. Mais il me semble qu'il y avait plusieurs instruments. Et alors? Ah non, mais quand je m'y mets, moi, je fais plus de bruit que tout un orchestre. Et pour qui avez-vous accompli ce miracle? Mais pour vous, mon étoile, pour vous. Si je pouvais croire que vous dites vrai, j'aurais lieu de m'enorgueillir. Croyez-le, croyez-le, ma planète. Je vous le jure par tous mes titres de noblesse. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, mais que ne ferais-je pas pour ces charmants lumignons qui vous servent Dieu? Colombine, je viens, je viens. Comment vous nommez-vous, déesse de la lagune? Colombine, j'arrive, j'arrive. Pardonnez-moi, monsieur, mais mes patronnes m'appellent. Oh, cruelle Colombine, ne me privez pas des rubicons de ténèbres de votre farouche beauté. Hélas, je ne puis m'attarder davantage. Mais on se reverra. Oh oui, je l'espère bien. Monseigneur Don Picaro, je vous salue humblement. À bientôt, mignonne. Ma foi, moi aussi, je ne m'en suis pas mal tiré. Et je serais rudement sûr de quitter le service de mon maître avant d'avoir appris à dire 100 000 mensonges. Et surtout, avant qu'il m'ait payé ce qu'il me doit. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Cette sérénade, non, cette sérénade. Et ce n'était que le commencement. Le lendemain matin, comme j'allais aux nouvelles, qui croyez-vous que j'ai trouvé en contemplation devant la maison de monsieur le docteur Balanzoni? Monsieur Florindo, évidemment. Et dès qu'il m'aperçut... Ah, Brighella, je suis heureux de te voir. J'ai un grand service à te demander. Toujours à votre disposition, monsieur Florindo. Figure-toi qu'avant-hier, j'ai entendu ma chère Rosaura qui disait qu'elle avait envie de certaines dentelles qu'elle avait vues chez monsieur Bonatesta. Tiens, voici 10 sequins. Tu vas aller chez monsieur Bonatesta, tu lui achèteras ces dentelles et tu lui demanderas de les faire porter à madame Rosaura. Bravo, monsieur. Ce cadeau va vous permettre de lui toucher un mot de vos sentiments. Oh non, non, non, non. Oh non, il ne faut pas surtout que Rosaura sache qu'il vient de moi. Et surtout, recommande expressément à monsieur Bonatesta de garder le silence. 10 sequins jetés par la fenêtre. Pourquoi? Parce que si madame Rosaura ne sait pas que c'est vous qui lui faites ce cadeau, elle ne vous en aura ni obligation ni reconnaissance. En temps voulu, elle l'apprendra. Je sais ce que je fais. Tant mieux pour vous, mais... Oh, je t'en prie, Brighella. Rends-moi ce service. Je voudrais que Rosaura ait ses dentelles ce matin même. Bon, bon, bon, j'y vais. Merci, Brighella. Le voici. Cet adorable balcon auquel s'accoude ma bien-aimée. Si elle y venait maintenant, il me semble que j'oserais lui dire quelques mots. Oui, je lui dirais. Je vous aime, madame. Je ne puis vivre sans vous. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Oh ! Oh, j'entends quelqu'un. C'est monsieur Octave qui sort de l'auberge de l'Aigle. Oh, je ne voudrais pas qu'il m'ait vu. Que dites-vous de la belle architecture de ce balcon, mon cher ami? Il est effectivement fort élégant. Mais je vous en prie, tirez-moi d'un doute. Êtes-vous architecte ou peintre? Que voulez-vous dire? Oui, êtes-vous là pour étudier le dessin de ce balcon ou pour faire le portrait des deux belles personnes qui logent dans cette maison? Je ne comprends pas. Car si c'est pour faire leur portrait, pourquoi vous installer dans la rue quand vous avez toute la journée vos modèles sous les yeux? Monsieur Octave, si je suis chez monsieur le docteur Balanzoni, c'est pour apprendre à soigner les gens et non à les peindre. Je plaisantais. Au fait, avez-vous entendu la sérénade hier soir? La... Non, je ne l'ai pas entendu. Vous savez, je me couche de très bonne heure. Et pourtant, au moment de la dite sérénade, on vous a vu passer par ici. Oh, on a dû se tromper. Je vous assure que Monsieur Florindo, nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui. Alors, entre nous, les cachotteries sont inutiles. Écoutez, à vous, je puis le dire. Moi, j'aime Madame Béatrice. Si vous aimez Madame Rosaura, je pourrais peut-être vous servir auprès d'elle. Mais si c'est Madame Béatrice que vous aimez et qu'elle vous préfère à moi, je m'inclinerai. Je vous répète que toutes mes pensées sont pour la médecine. Je vous ai pourtant entendu soupirer plus d'une fois et on ne soupire pas comme ça pour la médecine. Je ne suis pas amoureux. Je n'aime personne. Et si je regardais ce balcon, c'était encore une fois parce que je le trouve beau. Même un médecin peut avoir du goût, non? Il a beau dire, je suis sûr qu'il est amoureux. Et ces dénégations me font craindre que Béatrice ne soit l'objet de ses soins. Mais je vais ouvrir l'œil. Et je parviendrai bien à en avoir le cœur net. Mais je ne me trompe pas, c'est ce cher Octave! Lélio, je ne m'attendais pas à vous rencontrer à Venise. Je suis arrivé hier! Vous avez dû quitter Naples à regret. Ah, ça oui. Et je vous assure qu'il m'a fallu une certaine force d'âme pour m'arracher à une infinité de beaux et tendres bras. Mais je n'étais pas depuis une heure à Venise que de nouvelles aventures m'ont fait oublier toutes mes charmantes napolitaines. Toujours heureux en amour, je vois. Je ne sais pas ce que les femmes peuvent bien me trouver, mais le fait est que... Et vous, Octave, il y a longtemps que vous êtes à Venise? Environ un an. Connaîtriez-vous par hasard les deux sœurs qui habitent là, en face? Oui. Je veux dire, non, ou simplement de vue. Mon cher, elles sont ravissantes. L'une s'appelle Rosaura et l'autre Béatrice. Ce sont les filles d'un médecin et elles sont toutes les deux amoureuses de moi. Toutes les deux? Oui, ça vous étonne? Mais comment avez-vous pu faire aussi vite leur conquête? Je passais, elles m'ont vu, elles m'ont salué les premières et nous avons parlé. Est-ce possible? Frémis de jalousie. Elles ont tout de suite été sous le charme et, au bout de quelques instants, elles ont été incapables de me sceller qu'elles avaient le coup de foudre. Toutes les deux? Oui, oui. Elles voulaient me faire entrer chez elles, sur le champ. Vraiment? Oui, mais comme la nuit était proche, l'idée me vint de leur donner préalablement une sérénade et je pris congé. Ah, la sérénade, c'était vous? C'était moi. On vous en a parlé? Oui. Mais la soirée ne s'est pas bornée à de la musique. Après, nous avons soupé. Oui, j'ai fait apporter un somptueux repas et nous avons attendu l'aube en buvant et en mangeant. Avec les deux sœurs? Bien sûr. Elles vous auraient reçues chez elles, la nuit? Puisque je vous le dis. Mais excusez-moi, je ne puis le croire. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Mais non, qu'y a-t-il donc d'incroyable là-dedans? Tout simplement que deux jeunes filles honnêtes et bien élevées profitent de l'absence de leur père pour ouvrir leur porte à un étranger et souper avec lui. Voici mon serviteur, interrogez-le, vous verrez s'il ne confirme pas mes dires. Harlequin! Monsieur? Dis-moi un peu, qu'ai-je fait la nuit dernière? Vous êtes sorti prendre le frais. Et est-ce que je n'ai pas causé avec deux dames qui étaient sur ce balcon? Si. Et donné une sérénade? Je pense bien. Et après, nous avons soupé, n'est-ce pas? Souper. Tu n'as tout de même pas oublié. Chez Mesdames Rosaura et Béatrice. Ah oui, oui, oui. Oui, chez Mesdames Rosaura et Béatrice. Il n'était pas excellent, ce souper? Oh, j'en ai encore l'eau à la bouche. Eh bien, Octave, doutez-vous encore? Je ne puis qu'envier votre bonne fortune. Je dois dire en toute modestie que je fais tout pour la mériter. Certes, à Naples, j'ai eu l'occasion de vous voir à l'œuvre, mais tout de même... Faire aussi vite la conquête de ces deux sœurs. Je dois avoir un secret. À présent, si vous le permettez, je vais vous laisser. Vous logez, vous aussi, à l'auberge de l'Aigle? Oui, depuis que je suis à Venise. Comment se peut-il alors qu'habitant en face de chez elle, vous ne connaissiez pas les filles du docteur Balanzoni? Que voulez-vous? Je n'ai pas eu, comme vous, la chance de faire leur connaissance. Gardez, évidemment, pour vous ce que je viens de vous confier. C'est parce que vous êtes un ami que... Oui, oui, je vous le promets. Pour rien au monde, je ne voudrais compromettre ces adorables filles. Cela va de soi. Au revoir, mon cher. Votre serviteur, mon cher. Monsieur mon patron, si vous continuez comme ça, nous allons finir par avoir des ennuis. Monsieur votre ami faisait une drôle de tête. Oh, bon, il est toujours ainsi, c'est un triste. Quant à toi, contente-toi de dire comme moi et ne t'occupe pas du reste. Faisons une chose, monsieur. Lorsque vous voudrez dire un mensonge... Je ne dis pas de mensonge, espèce d'âne! Ce sont des spirituelles inventions. Eh bien, quand vous en aurez une à débiter de vos spirituelles inventions, faites-moi un signe. Hein, que je puisse faire chorus avec vous, par exemple, je ne sais pas moi, éternuer. Il est donc si difficile de dire comme moi? Ce n'est pas tellement que ce soit difficile, mais je ne sais jamais quand il faut que je parle ou quand il faut que je... Tais-toi. Tu vois ces deux jeunes femmes qui viennent de sortir de chez le docteur Balanzoni? Bien sûr. Mais pourquoi sont-elles masquées? Mais parce qu'on est en carnaval, imbécile. Ce sont certainement les deux sœurs à qui j'ai parlé cette nuit. À quoi bon, mesdames, essayer de me dérober votre beauté? L'éclat de vos yeux suffit à trahir votre identité. Celle aussi de ma compagne? Éblouie, je ne parviens pas encore, mesdames, à vous distinguer l'une de l'autre. Mais monsieur, cette personne que vous voyez là est Colombine, ma femme de chambre. Hey, halte-là, monsieur, halte-là. Colombine, ça me regarde. Vous êtes toutes les deux masquées, madame. Il n'est pas étonnant que je me sois trompée. L'éclat des yeux de Colombine ne vous en a pas moins autant charmé que celui des miens. Madame, maintenant qu'il m'est permis de vous parler librement, je puis vous dire que mon admiration s'adresse à vous seule, que vous occupez entièrement mon cœur, et que, si tout à l'heure j'ai cru que vous étiez avec votre sœur, c'est que je ne voyais que vous. Et malgré mon masque, vous m'avez reconnue? Ah, pour l'amour, il n'y a pas de masque. À quoi m'avez-vous reconnue? À votre voix, à votre silhouette, à ce je ne sais quoi qui vous différencie de toutes les femmes, et surtout au battement de mon cœur qui est incapable de mentir. De grâce, dites-moi qui je suis. Vous êtes mon idole. Mais mon prénom? Pile ou face? Face. Rosaura. Je crois que maintenant je peux retirer mon masque. Ah. N'est-ce pas? Je vous en prie. Quand je pense que j'ai failli l'appeler Béatrice. Puis-je vraiment ajouter foi à vos propos? Je suis incapable de mentir, je vous aime, je vous adore. Et quand je suis loin de vous, je languis et ne fais que répéter votre cher prénom. N'est-ce pas, Arlequin? Tchoum! Ah bon, oui, monsieur, c'est la pure vérité. Mais si vous m'aimez à ce point, pourquoi ne vous êtes-vous pas déclaré plus tôt? Je vais vous expliquer. Mon père voulait me marier à Naples avec une comtesse palermitaine, mais moi, comme je n'aimais pas cette palermitaine, je me suis enfui. D'abord furieux, mon père m'a ensuite pardonné. Je lui ai alors écrit que je n'épouserai jamais d'autre femme que vous. Et hier seulement, j'ai reçu par lettre son consentement. J'ai peine à croire que votre père vous permette d'épouser la fille d'un médecin. Il en est pourtant ainsi. Oui, madame, c'est la pure vérité. Mais la dot que pourra me donner mon père est indigne de votre famille. Un castel d'oro est au-dessus de ces détails. La fortune que mon père a accumulée pour moi suffira amplement pour nous deux. J'ai peur qu'en faisant miroiter devant moi ce trop bel avenir, vous n'ayez d'autre but que votre divertissement. Madame, il n'est personne, depuis que j'ai l'âge de raison, qui puisse me reprocher même le plus innocent des mensonges. N'est-ce pas, Arlequin? Oui, madame. Mon patron est la vérité faite homme. Ah, je vous le prouverai dès que votre père sera de retour à Venise. Quelqu'un pourrait-il me dire où habite le docteur Balanzoni? Que lui voulez-vous? J'ai un paquet à remettre à madame Rosaura, sa fille. C'est moi. Qu'y a-t-il dans ce paquet? Pour 10 quintes de dentelle. C'est payé. Par qui? Chut, mystère. Dans ce cas, vous pouvez remporter vos dentelles. Je n'accepte pas les cadeaux d'un inconnu. Mais madame... Chère Rosaura, votre délicatesse vous fait honneur, mais vous pouvez sans remords accepter ces dentelles. L'inconnu, c'est moi. Vous? Oui, j'aurais voulu que vous l'ignoriez, parce que j'avais honte de vous offrir une babiole d'aussi peu de prix. Oh, monsieur a beau dire, madame, vous trouverez difficilement à Venise plus belle dentelle. Allons, donnez votre paquet à madame et disparaissez. Bon. Ce boutiquier a mis ma modestie à rude épreuve. Je ne sais comment vous remercier, monsieur. Bon. J'avais précisément envie de ces dentelles. Trop heureux d'être allé au-devant de vos désirs. Et maintenant, souffrez que je vous quitte. Ne me permettrez-vous pas de vous accompagner? Non. Je n'étais sortie, je l'avoue, que dans l'espoir de découvrir qui avait votre préférence. Et maintenant que je le sais, toute heureuse, je rentre chez moi. Vous emportez mon cœur. Que dois-je dire à ma sœur? Pour le moment, mieux vaut lui taire notre secret. Bien. Ah, il me tarde que vous soyez ma femme. Votre femme? Je n'ose y croire. Viens, Colombine. Tout de suite, madame. Ce petit brunet ressemble au gentilhomme qui m'a parlé cette nuit. Mais son habit serait plutôt celui d'un valet. Colombine! J'arrive! Oh, quelle déveine! La voilà partie et je n'ai même pas pu voir la tête qu'elle a. Eh bien, Arlequin! Madame Rosaura n'est-elle pas d'une beauté stupéfiante? Oh, aussi stupéfiante, monsieur, que vos spirituelles inventions. La sérénade, et maintenant ses dentelles. Mmh. Je crois qu'il doit y avoir quelqu'un qui est amoureux d'elle, mais qui n'ose pas se déclarer. Oh, ça, c'est sûr. Et vous, sans vergogne, vous lui... Oh, chut! Ouais, voici Colombine qui revient. Oh, elle n'a plus de masque. Ma foi, pour ce qui est d'être jolie, Elle n'a rien envié à votre Madame Rosa Aura. Qu'est-ce que tu attends pour tenter ta chance avec elle? Et si tu réussis, arrange-toi pour qu'elle me fasse un peu mousser auprès de sa patronne. Vous ne pourriez pas m'enseigner un ou deux jolis mensonges? Tu n'as qu'à laisser parler ton imagination. Madame, si je ne me trompe, vous êtes celle de cette nuit? Celle de cette nuit, d'hier, d'avant-hier et des jours précédents. Oh, et spirituel avec ça. Eh bien, moi, je suis celui qui, cette nuit, vous a dit toutes ces jolies choses. Le seigneur Don Picaro. Pour vous servir. Pardonnez-moi, mais je ne puis vous croire. Vous n'êtes pas habillé comme un gentilhomme. Je suis pourtant gentilhomme, et aussi noble que riche. Et si vous ne le croyez pas, vous n'avez qu'à le demander à mon ami qui est là. À vos souhaits. Merci. Monsieur, j'ai éternué. Que veux-tu que ça me fasse? D'où êtes-vous, monseigneur? De Rome, oui, de Rome. Je suis apparenté aux plus grandes familles d'Europe et j'ai des domaines dans le monde entier. Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. J'ai éternué. Eh bien, mouche-toi. Don Picaro, monsieur le marquis Astrubal, qui aime ma patronne, lui a fait un cadeau. Ah. Si vous aviez le moindre petit sentiment pour moi, vous l'imiteriez? Limiter? Je le surpasserai. Tenez, allez au marché et achetez tout ce qui vous plaira. Je vous ouvre un crédit d'un demi-million. Oh, c'est trop, Don Picaro, c'est trop! Tu es un idiot, Harlequin. Mmh. Tu n'arriveras jamais à rien. Allez, viens. Il me tarde de voir Octave pour lui raconter ma nouvelle aventure. Ça ne me semble pas très malin de tout raconter comme ça. Le grand plaisir pour un amant, c'est de pouvoir tirer gloire des faveurs de sa belle. Avec un peu de sauce autour. Évidemment, si l'on n'y joignait pas un peu de roman, le plus bel amour serait d'une platitude désespérante. Pendant que ce pauvre monsieur Florindo continuait d'aimer silencieusement Madame Rosa Aura, voici que de nouveaux nuages allaient s'amonceler sur sa tête. Sur le coche d'eau qui le ramenait à Venise, M. Pantalon, le père de ce M. Lélio, que je ne qualifierai pas, avait en effet rencontré M. le docteur Balanzoni et les deux hommes s'étaient occupés de l'avenir de leur progéniture respective. Ils avaient décidé, mais je suis sûr que vous préférez apprendre de leur propre bouche ce qu'ils avaient décidé, et du même coup, et d'abord, vous allez assister à l'émouvante scène des retrouvailles d'un père et de son fils qui ne se sont pas vus depuis 20 ans. Voici donc M. Pantalon qui vient tout juste de quitter M. le docteur sur le seuil de sa porte et qui, maintenant, observe discrètement un jeune homme dont les traits semblent lui dire quelque chose. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai l'impression que je vous connais. Moi, monsieur, je ne crois pas avoir cet honneur. Vous êtes étranger? Oui, je suis napolitain. Ah, j'ai de nombreux clients à Naples. Et je suis en correspondance avec plusieurs gentilshommes. Ah. Si d'aventure vous étiez l'un de ceux-ci, je me ferais une joie de me mettre à votre disposition. Je suis le comte d'Ancora pour vous servir. J'ai failli commettre un impair. Ce n'est pas mon fils. Pardonnez-moi mon audace, illustrissime monsieur le comte, mais auriez-vous rencontré par hasard à Naples un certain monsieur Lélio Bisognosi? Si je l'ai rencontré? Oui. C'est un de mes amis les plus chers. Un jeune homme vraiment exceptionnel, beau, spirituel, l'idole de Naples. Toutes les femmes lui courent après, mais il ne songe qu'à étudier. Ah, illustrissime, vous ne pouvez savoir le plaisir que vous me faites. J'en pleurerai. Oh. Monsieur Pantalon, je me réjouis avec vous. De quoi donc, monsieur Octave? De l'arrivée de votre fils, voyons. Il est arrivé? Mais où est-il? Elle est bien bonne, celle-là. Comment, mon cher Lélio, ne vous seriez-vous pas fait connaître de votre père? Ce vieillard est mon père. Comment me tirer de là? Eh bien, je vous écoute, monsieur le comte d'Ancora. Ah! Pardonnez-moi cette plaisanterie, cher monsieur mon père. Vous pensez bien que je vous avais tout de suite reconnu, mais je voulais voir si vous me reconnaîtriez aussi. Oh, pardonnez-moi, je vous en prie. Viens dans mes bras, mon cher enfant. Viens dans mes bras. Il y a si longtemps que je soupire après toi. Oh, Lélio, que je suis content. Oh, mais tu sais, même pour badiner, je ne veux plus que tu mentes comme ça. Je vous jure que c'est là le premier mensonge de ma vie. Et bien que ce soit aussi le dernier. Je ne me lasse pas de te regarder. Tu n'étais qu'un marmot quand tu as quitté Venise, et je retrouve un beau garçon. As-tu fait bon voyage? Mais pourquoi n'es-tu pas allé directement à la maison? Apprenant que vous étiez à la campagne, je me préparais à vous y rejoindre. Ah, ma foi, tu as bien fait de ne pas te presser. Nous aurions joué à cache-cache. Mais viens à la maison. J'ai de grandissimes nouvelles à t'apprendre. Et excusez-nous, monsieur Octave. C'est tout naturel, monsieur Pantalon. Ah, je ne me tiens pas de joie. Vous savez, mon cher Octave, ce matin, j'ai fait une longue promenade en gondole avec les deux sœurs. Oui, oui, elles sont venues toutes les deux masquées me chercher à l'auberge et elles m'ont littéralement enlevé. Lélio ! Me voici, père ! Mais pas un mot de tout ça, n'est-ce pas ? Je prenais congé de monsieur Octave. La conduite de madame Béatrice et de sa sœur me révolte de plus en plus. Jamais je ne me serais attendu de leur part à un tel dévergondage. Et... oh ! Voici leur père qui sort de chez lui. Il m'a vu. Pas moyen de l'éviter. Cher monsieur Octave, je vous ai aperçu de ma fenêtre et comme justement je souhaitais vous parler... Monsieur le docteur, je suis votre serviteur. J'ai de très bonnes nouvelles à vous apprendre. Je vais marier ma fille Rosaura. Je m'en réjouis avec vous. Maintenant, il me faut trouver un mari pour Béatrice. Je suis sûr que vous n'aurez que l'embarras du choix. Certes, ce ne sont pas les prétendants qui lui manquent, mais... je n'ai pas oublié que vous m'avez plusieurs fois demandé sa main. Aussi est-ce à vous que, de préférence, je donnerai ma Béatrice. Je vous remercie infiniment de cette préférence, mais j'ai changé d'idée. Comment ? Oh oui, sans doute me tenez-vous rigueur de mes refus précédents, mais voyons, comme je vous l'ai expliqué, c'est que je voulais d'abord marier mon aîné. Mais à présent que Rosaura... Donnez madame Béatrice à qui vous voudrez. Moi, je ne veux pas d'elle. Monsieur, votre ton me surprend. Béatrice n'est pas la fille d'un va-nu-pied. C'est la fille d'un honnête homme, monsieur. Mais elle ne fait pas honneur à son père. Qu'insinuez-vous, monsieur ? Je vous prie de vous expliquer. Monsieur, l'amour que j'ai eu pour madame Béatrice et que, malgré tout, j'éprouve encore pour elle, m'ordonnerait de me taire. Mais l'amitié que j'ai pour... Parlerez-vous, oui ou non ? Eh bien, la nuit dernière, pendant votre absence, vos deux filles ont accueilli chez vous un étranger qui venait de leur donner une sérénade. Ils ont soupé tous les trois et ne se sont séparés qu'à l'aube. Je ne le crois pas. Je refuse de le croire. C'est pourtant la triste vérité. C'est une vile calomnie. Mes filles sont incapables. Je vous somme de vous rétracter. Bien, bien, puisque vous refusez de me croire, j'obligerai à vous confirmer mes dires celui qui, à peine arrivé à Naples, a fait perdre la tête à vos filles. Je suis désolé, monsieur. Vous ne méritiez pas ça. Monsieur Octave est un garçon sérieux. Je suis convaincu, hélas, qu'il a dit vrai. Oh, pauvre de moi. L'inconduite des filles est un mal pour lequel ni Hippocrate ni Galien ne proposent de remède. Ah non, je ne méritais pas ça. Mais on va voir. Et l'on vit, effectivement. Rentrant sur le champ chez lui, monsieur le docteur Balanzoni, sans même laisser à ses deux filles le temps de placer une syllabe, leur fit une scène terrible. Après quoi, un peu calmé, il eut tout de même l'idée d'interroger M. Florindo, lequel put lui jurer qu'elles avaient tout au plus à se reprocher d'avoir écouté certaines sérénades, ce dont vraiment on ne pouvait leur tenir rigueur. La conversation en était là quand elle fut brutalement interrompue par l'arrivée de Colombine affolée et les deux hommes se précipitèrent à sa suite dans la pièce voisine. Ma pauvre maîtresse ! Pauvre madame Rosaura ! Brusquement, elle a dit « Oh !» et elle s'est évanouie. Vite, de l'eau de mélisse ! Où est l'eau de mélisse ? Monsieur Florindo, au lieu de rester là planté comme si vous veniez de voir un spectre, tâtez-lui donc le pouls ! Et si vous le jugez bon, faites-lui une petite saignée. Bon, moi je vais chercher l'eau de mélisse. Oh, elle est morte ! Rosaura est morte ! Mais non, monsieur, elle respire ! Elle n'est qu'évanouie ! Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour lui tâter le pouls ? Ah oui, le pouls, son pouls, Vous croyez qu'une saignée lui fera du bien ? Ah oui, non, oh, peut-être. Je vais chercher une lancette ! Oh, même évanouie comme elle est belle. Oh, Rosaura. Ah, mais c'est vrai, il faut que je lui tâte le pouls. Oh, ma bien-aimée. Oh, je vais tenir dans ma main ta adorable menotte. Je la prends, Oh, ciel, je me meurs. Tenez, monsieur. Oh. Eh bien, celle-là, alors. Le médecin qui tient compagnie à la malade. Voici l'autre Mélisse. Quoi ? Elle n'est pas encore revenue à elle ? Et non. Et vous voyez, par sympathie, monsieur Florindo s'est évanoui lui aussi. Bizarre. Enfin, Fais respirer ça à ta maîtresse, pendant que je m'occupe de lui. Elle a bougé. Elle bouge. Ah ouais, lui aussi. C'est à croire qu'ils se sont donné le mot. Où suis-je? Où suis-je? Oh, madame, vous nous avez fait peur. Eh ben, que s'est-il passé, monsieur Florindo? Oh, monsieur, je ne sais pas. Un malaise subi. Hein? Avec votre permission. Eh ben quoi? Mais où va-t-il? Il est fou! Ah, à moins que... Allons, madame, vous avez enfin retrouvé vos couleurs. Écoute, Rosaura, je crois que tout à l'heure, j'ai parlé trop vite. On vient de m'assurer que ce que je vous ai reproché était faux, que c'était une calomnie. C'est une calomnie. Mes pères, qui doit pu raconter sur nous des choses aussi affreuses? Et monsieur Octave, et il prétend qu'il peut le prouver. Je l'en défie bien, je m'en vais le chercher, et nous le forcerons bien à se dédire. C'est ça, dis-lui que je veux lui parler. Qu'il le veuille ou non, je vous le ramène ici. Oh père, si vous saviez la peine que vous m'avez faite. Allons, allons, j'ai une heureuse nouvelle pour me faire pardonner. Sache, Rosaura, que je t'ai trouvé un bon mari. Ah, qui cela? Le fils de monsieur Pantalon. Je vous en supplie, si vous m'aimez, attendez un peu pour me marier. Mais pourquoi? Une fille respectueuse ne doit rien cacher à son père. Sachez donc qu'un gentilhomme étranger, extraordinairement riche et de la plus insigne noblesse, souhaite m'épouser. Ah! L'histoire de l'étranger est donc vraie. Et dans ce cas, celle de la sérénade et du souper... Père, il est vrai qu'un étranger m'aime et qu'il m'a régalé d'une sérénade. Mais je vous jure qu'il n'a jamais mis le pied dans cette maison. C'est un grand seigneur et il te veut pour femme? Du moins, me l'a-t-il laissé nettement entendre? Oui, espérons que ce n'est pas un imposteur. Il m'a dit qu'il attendait votre retour pour se présenter à vous et vous faire sa demande. Écoute, Rosaura, si le ciel t'a destiné à cet ressort, tu peux être sûre que je ne serai pas assez fou pour lui refuser ta main. Certes, je m'étais un peu beaucoup engagé avec monsieur Pantalon... Mais seulement en parole. Je trouverai bien un prétexte pour me dégager. Au fait, comment s'appelle-t-il, ce gentilhomme? C'est le marquis Asdrubal de Castel d'Oro. Peste! Un marquis? Il y a un an qu'il est amoureux de moi, mais ce n'est qu'hier soir qu'il s'est déclaré. Père! Ne croyez pas si facilement ce que dit ma sœur. Il n'est pas vrai que le marquis Asdrubal se soit déclaré pour elle. Il n'a rien fait de ce genre. Il aime l'une de nous deux, ça oui, mais sans trop me flatter, j'ose affirmer que c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Rosaura? Ma sœur, peut-on savoir sur quoi se fondent vos espérances? Je pourrais vous poser la même question, ma sœur. Père, je vous assure que je n'ai pas parlé à la légère. Croyez-moi, père, je sais ce que je dis. Je commence à penser que vous avez rêvé, toutes les deux. Et si vous n'avez pas rêvé, et que le marquis existe, espérons que lui au moins sera celle de vous deux qu'il désire épouser. Ah, je ne souhaite à personne d'être le père de deux filles. Ah. Alors, madame, qu'est-ce qui vous autorise à prétendre que monsieur le marquis s'est déclaré pour vous? Cela ne vous regarde pas, madame. Vraiment? Vous allez me le dire. Sinon, je vous en prie, calmez-vous. Et témoignez-moi un peu plus de respect. De respect? Oui, vous oubliez que je suis votre aînée. Oh, il me serait difficile de l'oublier, quand c'est uniquement à cause de vous que je suis encore fille. J'aurais pu me marier 50 fois, mais non... Monsieur notre père n'a pas voulu, parce que ça aurait été un affront pour sa fille aînée. Mais oui, vous pouvez en parler de vos prétendants. Ils étaient beaux, comme par exemple ce charmant monsieur Octave qui a inventé toutes les indignités qu'il a racontées sur nous à notre père. Comment? Cet Octave qui... Oui, notre père me l'a dit lui-même. Eh bien, si je le vois, celui-là, il va m'entendre. Il mériterait d'être emprisonné. Emprisonné? Pendu, écartelé. Mesdames, voici monsieur Octave qui désire vous présenter ses hommages. Ah, mesdames, vous me voyez honteux et confus. Vous êtes un menteur. Vous êtes un fourbe. Mesdames, je vous le jure, ce n'est pas moi qui suis le menteur et le fourbe. Qui a dit à notre père que nous avions donné une sérénade? Moi, mais... Et qui lui a dit que nous avions reçu un étranger chez mais, nous? Moi, mais sachez que... Menteur. Fourbe. Mais écoutez-moi donc, c'est Lélio Bisogneuse. Taisez-vous, menteur. Taisez-vous, fourbe. Mais voyons, mesdames... Je t'en prie, Colombine, cours après tes maîtresses et demande-leur de revenir, que je puisse me disculper. Que pourriez-vous dire pour votre défense? Tout simplement que... Avez-vous raconté à mon maître que cet étranger était venu la nuit chez nous? Oui, mais... Et qu'ils avaient soupé tous les trois? Oui, mais tout ça... Vous l'avez dit, oui ou non? Oui, je l'ai dit. Alors vous êtes un menteur et un fourbe! Ah, je suis bien puni de ma jalousie. Comment ai-je pu être assez naïf pour gober toutes les énormités que cet imposteur m'a racontées? Et comment vais-je faire pour me réconcilier avec Béatrice? Et son père? Oh! Justement, le voici. Que faites-vous chez moi, monsieur? Je viens vous supplier de me pardonner. Vous reconnaissez donc que tout ce que vous m'avez dit était faux? Oui, monsieur. J'ai commis la sottise de vous rapporter, sans les vérifier, les propos d'un menteur. Et ce menteur, c'est... Lélio Bisognosi. Le fils de monsieur Pantalon? Lui-même. Il est donc de retour à Venise? Il est arrivé hier. Pour mon malheur. Et ce serait lui l'auteur de ces calomnies? C'est lui. Et si Monsieur Florindo ne m'avait pas ouvert les yeux, peut-être ne serais-je pas encore détrompé. Ah, le misérable! Il n'a pas perdu son temps. À peine arrivé... Au fait, sait-il que Rosaura et Béatrice sont mes filles? Je crois en tout cas qu'il sait que ce sont les filles d'un médecin. Et c'est comme ça qu'il se conduit avec elles. Très bien. Plus question qu'il épouse Rosaura. Monsieur, je vous demande de nouveau de me pardonner. Je vous pardonne. Monsieur. Oui? Oserais-je vous rappeler que vous m'avez offert la main de Béatrice? Je me rappelle également que vous l'avez refusée. Je vous supplie maintenant de me l'accorder. Nous verrons. Monsieur, je suis prêt à l'épouser, même sans dot. Oh, alors... Bien, bien, nous en reparlerons. Mais à votre place, je commencerai par essayer de me faire pardonner par Béatrice. Oui, il a raison. Mais je crains que ce ne soit pas facile. Les femmes sont plus constantes dans la haine que dans l'amour. Allons, pour Monsieur Octave, du moins, il y avait maintenant quelque espoir que les choses finissent par s'arranger. Mais... Et la cause de tous ces drames, vous demandez-vous sans doute? Et M. Lelio Bisognosi et ses spirituelles inventions? Eh bien, dans une salle de la maison de M. son papa, il causait tranquillement avec son serviteur. Harlequin, cette fois-ci, je suis vraiment amoureux. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, mais je n'en crois pas un traître mot. Et pourquoi cela, s'il te plaît? Parce que c'est ce que vous dites chaque fois. Les soupirs que je pousse continuellement devraient pourtant te prouver ma sincérité. Comme si vous n'étiez pas capable de soupirer à fondre l'âme quand ça vous est commode. Oh. À Rome, la pauvre madame Cléonice en sait quelque chose. Cléonice, mais si je soupirais, c'est parce que je m'ennuyais avec elle. N'empêche que vous lui avez promis de l'épouser et qu'elle vous a cru. D'ici qu'un de ces jours, vous la voyez arriver à Venise. Elle n'aura pas cette audace. Oh, vous savez, monsieur, quand il s'agit de mariage, les femmes sont capables de tout. Assez parlé de Cléonice. À présent, j'aime Rosaura et je l'aime. D'un amour extraordinaire, prodigieux. Après tout, c'est bien possible. Avec vous, il faut s'attendre à tout. Ah, mais ce n'est pas tout ça, monsieur. Il y a une heure que nous sommes arrivés chez votre père et il n'est toujours pas question de se mettre à table. Oh, toi, tu ne penses qu'à manger. Oh, je voudrais bien penser à autre chose, mais mon estomac est plus fort que moi. Lelio, j'ai à te parler. Vous me voyez prêt à vous écouter? Excusez-moi, monsieur le père de mon maître, mais est-ce que vous allez en avoir pour longtemps? Pourquoi? Parce que, révérence parlée, je crève de faim. Bon, eh ben, va à la cuisine et fais-toi servir. Monsieur le père de mon maître, permettez-moi de vous dire que vous êtes un homme selon mon cœur et que c'est un vrai plaisir de vous obéir. Ah, donc, disais-je, j'ai à te parler. Je suis tout oui, père. Lelio, tu es mon seul héritier. Mmh. Et puisque la mort de mon pauvre frère va te rendre plus riche que je n'aurais pu le faire, le moment est venu de songer à l'avenir du nom des Bisognosi. Bref, il faut que tu te maries. Je me préparais justement à vous dire que... Tais-toi. Au jour d'aujourd'hui, Lelio, quand il s'agit de se marier, la jeunesse ne pense qu'à satisfaire son caprice. Et au bout de 4 jours de vie commune, elle se mord les doigts. Il vaut donc mieux laisser aux parents, et plus particulièrement au père, le soin de traiter ce genre d'affaires. Un père n'étant pas aveuglé par la passion, fait les choses plus judicieusement. Mmh. Et oui, finalement, son fils s'en trouve bien. Et il est évident qu'un fils a toujours intérêt à consulter son père. Je suis d'autant plus heureux de te l'entendre dire que pas plus tard que ce matin, j'ai combiné un excellent mariage. Quoi? Oui. Un très joli parti. La fille d'un bon bourgeois de Bologne, établie à Venise. Belle dot. Mmh. Et si je te dis qu'en outre, elle est mignonne à croquer, que te faut-il de plus? L'affaire est conclue. J'ai la parole du père et il a la mienne. Tu es content, j'espère. Écoutez, monsieur mon père, s'il est vrai qu'un père peut choisir plus judicieusement que son fils, il n'en est pas moins que c'est celui-ci qui doit vivre avec sa femme. Et alors? Il est donc juste que les futurs époux se plaisent. Et alors? Souffrez au moins qu'avant d'épouser, je vois qui j'épouse. Tu verras ta fiancée une fois que tu auras signé le contrat. Oh. Ah, mais de mon temps, c'est comme ça qu'on procédait et personne ne s'en plaignait. Je n'en doute pas, mais... Ah, monsieur mon père, croyez que je ne demande qu'à vous obéir, mais... Mais? Il est un secret que je ne puis vous cacher plus longtemps. Quel secret? Je reconnais ma faute et je la déplore, mais je n'ai pu faire autrement. Quelle faute? Qu'as-tu fait? Oh, je vous le dis, les larmes aux yeux, père, je... Bah, vas-tu parler? À Naples, père, je me suis marié. Et c'est maintenant que tu m'apprends ça? Tu aurais pu me l'écrire. Et mon frère, il le savait? Non. Ah, tu mériterais que je te maudisse. Tu mériterais que je te chasse de chez moi. Mais tu es mon fils unique et ce qui est fait, est fait. Faut bien que j'accepte cette bruque. Mais j'espère que tu n'as pas épousé une femme de mauvaise vie. Oh, mais pour qui me prenez-vous, père? C'est une jeune personne irréprochable. De quelles conditions? Son père est gentilhomme. D'où est-elle? Elle est napolitaine. Riche? Très riche. Un aussi beau parti, et tu n'as pas osé m'en parler? Tu avais peur que je refuse mon consentement? Ah. Mais enfin, voyons, je suis pas fou. Alors, tu as eu raison de faire ce mariage. Ah, oui, mais pourquoi n'en rien dire ni à moi, ni à ton oncle? La chose se serait-elle faite à l'insu des parents de ta femme? Non, non. Alors pourquoi? C'est parce que je me suis marié au pied levé. Comment ça, marié au pied levé? Le père de ma femme m'a surpris dans la chambre de celle-ci. Avant que vous soyez mariés? Évidemment. Ah oui, ah, je comprends. Oh, jeunesse. Comment s'appelle ma bru? Briseis. Et son père? Don Polycarpe d'Albacava. Mazette? Quel âge a-t-elle? Le même que le mien. Mais comment avez-vous fait connaissance? Nous étions voisins. Et comment t'es-tu introduit chez elle? Avec la complicité d'une servante. Et son père t'a trouvé dans sa chambre? Oui. De jour ou de nuit? Entre chien et loup. Mais comment as-tu pu être aussi imprudent? Mais son père aurait pu te tuer. Je me suis caché dans une armoire. Mais son père t'a tout de même trouvé. Ma montre à répétition a sonné et ça a éveillé ses soupçons. Diable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à sa fille d'où elle tenait cette montre. Et elle? Elle a tout de suite répondu que c'était sa cousine qui lui avait donnée. Sa cousine? Quelle cousine? La duchesse Mathilde, fille du prince Astolphe, grand écuyer de sa majesté. Peste! Ma bru appartient à une grande famille. Ah. Et alors qu'a dit son père? Il a demandé à voir la montre. Eh bien, et alors? Briseis a entrouvert la porte de l'armoire et m'a demandé tout bas de lui donner ma montre. Bah, elle ne manque pas de présence d'esprit. Et alors tu la lui as donnée? Oui, mais en la tirant de mon gousset, sa chaîne s'est accrochée au chien de mon pistolet et le coup est parti. Montée divine! Tu as été blessé? Non. Et alors, que s'est-il passé? Mon beau-père a appelé ses domestiques. Et ils t'ont trouvé dans l'armoire? Je pense bien. Et alors? J'ai dégainé et tout le monde a pris la fuite. Bravo. Mais pourquoi n'en as-tu pas fait autant? Pouvais-je abandonner Briseis? Bah, ça aurait été plus prudent, les autres pouvant revenir. Je n'y ai même pas pensé. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est jetée à mes pieds, les larmes aux yeux. Ouais, tout ça ressemble à un roman. Et pourtant, c'est la pure vérité. Comment ça a-t-il fini? Mon beau-père et tous ces gens sont revenus, armés jusqu'au dents. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais. Et alors? Don Polycarpe m'a sommé d'épouser sa fille et j'ai dû m'incliner. Tout est bien qui finit bien, mais ça aurait pu mal tourner pour toi. Ah oui, que cela te soit une leçon pour l'avenir. Mais au fait, pourquoi n'as-tu pas amené ta femme avec toi? Elle est enceinte de 6 mois. De 6 mois? Une bagatelle. Mais ton mariage n'est donc pas d'hier? Ah, ben tu en as fait du beau, en ne me prévenant pas. Mais que va penser ton beau-père? Il va croire que je suis un homme sans éducation. Ben oui, il ne doit pas comprendre pourquoi je ne lui ai pas écrit tout de suite pour me féliciter de l'honneur qu'il a fait au bisognosi en te prenant pour gendre. Mais je vais lui écrire sur le champ. Comment s'appelle-t-il déjà? Don Polycarpe, comment? Vous avez déjà oublié son nom de famille? Oui. Moi aussi. Alors, tu rêves? Don Polycarpe, comment? Carciofoli. Carciofoli? Oui. Oh non, j'ai l'impression que tout à l'heure, il s'appelait autrement. Ah oui, maintenant, la mémoire me revient. Tu m'as dit qu'il s'appelait d'Albacava. Oui, Don Polycarpe, Carciofoli d'Albacava. Et il a encore des tas d'autres noms. Mais comme il est modeste, il ne se sert que de quelques-uns. Oui, je comprends. Bah, je vais lui dire qu'aussitôt que ma bru sera en état de voyager, il l'envoie à Venise. Ah, ça, il me tarde de la connaître et d'embrasser le cher petit qui sera le bâton de vieillesse du pauvre pantalon. Eh bien, il aura fallu que je m'en donne du mal pour me libérer de cette bolognaise que mon père voulait me faire épouser. C'est que Rosa aura un je ne sais quoi qui m'a tout de suite ensorcelé. Je suis fou d'elle et je ne veux pas d'autre femme. Et après tout, comme c'est la fille d'un médecin, mon père ne pourra pas la trouver indigne de notre maison. Et une fois que nous serons mariés, mon épouse napolitaine se transformera en vénitienne et le tour sera joué. Que je plains les gens qui n'ont pas d'imagination. Mais il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai vu ma bien-aimée. Je m'en vais aller rôder aux alentours de sa maison. Peut-être aurai-je le bonheur de l'apercevoir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et quelques minutes plus tard, M. Léliot, arrivant sur la petite place, avait effectivement le bonheur de voir Mme Rosaura. Accoudée à son balcon, elle était en train de lire. « Madame, me sera-t-il permis de vous présenter mes hommages ?»« Oh, pardonnez-moi, monsieur le marquis, je ne vous avais pas vu. »« Que lisez-vous de beau? Peut-on le savoir ?»« Mais certainement. C'est un sonnet que Colombine a trouvé tout à l'heure sur ce balcon et qui m'est adressé. »« Quel en est l'auteur ?»« Je l'ignore, il n'est pas signé. »« Il est beau, ce sonnet ?»« Très beau. »« Je suis sûr qu'il parle d'amour. »« Comment le savez-vous ?» Puisqu'il vous est adressé. Et vous ne soupçonnez vraiment pas qui peut en être l'auteur ? Non, même l'écriture m'est inconnue. Eh bien, madame, ce sonnet est de moi. De vous ? Cela vous étonne ? Un peu, je l'avoue. Vous me croyez incapable de composer un sonnet ? Non, mais... Mais ? Pour être de vous, il y a dans ce sonnet des choses qui me paraissent bizarres. Tenez, par exemple, dès les premiers vers, « Idole de mon cœur, ma déesse adorée, étoile de mes jours, vous que j'aime en silence. » Eh bien, mais n'êtes-vous pas l'idole de mon cœur, ma déesse adorée, l'étoile de mes jours? Et est-ce que je ne vous aime pas? Oui, mais pourquoi en silence, puisque... Parce que je ne vous ai pas dit la millième partie de mon amour. Parce qu'après m'être tue pendant un an, ce n'est pas une trop grande licence poétique de vous dire encore que je vous aime en silence. Vous êtes convaincu? Je le serai tout à fait quand vous m'aurez également expliqué le dernier vers. Qu'a-t-il donc de si mystérieux? Vous le trouvez clair? Oui, sincèrement, oui. Expliquez-le-moi tout de même. Volontiers. Alors? Et attendez, il faut que je me le rappelle. J'ai une mauvaise mémoire. Attendez, idole de mon cœur, déesse adorée, étoile, silence, rien à faire. C'est que j'ai tellement de choses dans la tête. Oh, je crois que je n'ai pas déchiré le brouillon. Je vais aller le chercher. Non, restez. J'ai trop envie que vous m'expliquiez ce dernier vers. L'instant viendra bientôt où vous saurez mon nom. C'est pourtant lumineux. Mais je connais votre nom, vous me l'avez dit vous-même. Madame, j'ai un aveu terrible à vous faire, je vous ai menti. Oh, vous ne m'aimez pas. Si, si, si, si, je vous aime, je vous adore, je vous idolâtre. Mais... Je ne m'appelle pas Astrubal de Casteldoro. Non, je ne suis qu'un simple bourgeois napolitain et... Pourquoi partez-vous? Vous m'en voulez de ce petit mensonge? Non, j'aperçois mon père qui arrive. Parlez-lui et s'il consent, mais ne me mentez plus jamais. Oh. Alors, cette fois encore, je m'en suis pas mal tiré. Voyons si je serai aussi brillant avec le père. Monsieur le docteur, je vous salue respectueusement. Votre serviteur, monsieur, mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Puis-je savoir ? Monsieur, je suis l'ennemi des longs discours. Vous êtes, n'est-ce pas, l'heureux père de Madame Rosaura. C'est certainement le grand seigneur qui veut épouser Rosaura. J'aurais dû le reconnaître tout de suite à son air majestueux. Et puis il m'a semblé qu'au moment où j'arrivais, Rosaura quittait le balcon. Oui, monsieur, je suis le père de Rosaura. Permettez-moi de vous féliciter, vous êtes le père d'un ange. Oh, vous êtes trop bon, monseigneur. Oh, monsieur, monsieur, m'autoriserez-vous à vous dire sans autre préambule que je suis amoureux de votre fille et que je souhaite ardemment l'épouser. Vous me prenez un peu de court, monsieur le marquis, mais à première vue, je ne vois pas d'obstacle. Ah, je vous cherchais, vous. Moi ? Oui, vous, pour que vous me rendiez compte de toutes vos impostures. Dégainez, si vous n'êtes pas un lâche. Voyons, monsieur Octave, que vous a fait monsieur le marquis? Monsieur le marquis? Lui? C'est le fils de monsieur Pantalon. Quoi? Alors, marquis, vous dégainez, oui ou non? Non, monsieur Octave. Vous n'allez pas vous battre avec ce menteur, Fourbe. Merci, avec ce fourbe. Si, je veux me battre avec lui. Non, je vous l'interdis. Mais monsieur... Commencez par épouser Béatrice. Après, on verra. Allez, venez. Oh, monsieur, comment pourrais-je vous désobéir? Maudit contretemps. J'avais envie de me battre. Et maudit Octave, quel besoin avait-il d'arriver au moment où j'allais toucher au but? Mais il me le paiera. Avec cette épée, je le ferai se repentir de m'avoir insulté. Oh là! Qu'est-ce que vous faites l'épée à la main, monsieur mon maître? Octave m'a provoqué en duel. Vous vous êtes battu ? Pendant au moins 3 quarts d'heure. Vous vous êtes blessé ? Non, mais lui, je l'ai transpercé de part en part. Aïe ! Oui, Mazette. Il doit être mort. Ben, évidemment. Où est le cadavre ? Dans le canal. Ne croyez pas que les choses vont en rester là. Je vous attendrai demain à la Judec. J'y serai. Je vous apprendrai à être un peu moins menteur. Ah, monsieur, je suis époustouflé. C'est la première fois que je vois un mort qui marche et surtout que je l'entends parler. La colère m'avait aveuglé, je croyais avoir tué Octave, j'ai tué quelqu'un d'autre. Eh oui, eh oui. Je suis sûr que vous l'avez massacré à coups de spirituelles inventions. Ne ris pas, Arlequin, l'heure est grave. Et pour une fois, je me prends à douter de mon étoile. En entendant ces paroles désabusées, vous figurez peut-être que M. Léliot allait s'avouer vaincu. Eh bien, pas du tout. D'autant qu'il a appris sur ses entrefaites que celle que voulait lui faire épouser son père n'était autre que Madame Rosaura elle-même. Il aurait pu, direz-vous, confesser à M. Pantalon qu'il avait menti, mais quand on a comme lui l'esprit fertile en spirituelles inventions, il semble qu'on répugne aux solutions faciles. Aussi, mais précédons-le chez M. le docteur. Dis-moi, Rosaura, il y a longtemps que tu as vu Monsieur le marquis Asdrubal de Casteldoro. À la vérité, père, il n'est pas marquis. Vraiment? Et qu'est-il donc? Un simple bourgeois comme nous. Vénitien? Non, napolitain. Napolitain, vraiment? Sais-tu qui c'est ton napolitain, petite sotte? Non, père, il... C'est le fils de Monsieur Pantalon. C'est lui que vous vouliez me donner pour époux? Lui-même. Ah, mais alors tout ça range. Ah oui, tu peux le dire. Apprends malheureuse ou a failli te mener ton imprudence. L'Elio Bisognosi, qui sous un nom supposé a tenté de te séduire, est déjà marié. Vous en êtes sûr? Oui, marié à Naples. C'est son père lui-même qui me l'a dit. Oh, que je suis malheureux. Ah oui, tu peux pleurer. En tout cas, dorénavant, tâche de te comporter avec plus de sagesse. Oh, ça, je vous le promets bien. Oh, le traître, le scélérat, puisse le ciel le punir. Allez, mouche-toi donc. Je n'ai pas de mouchoir. Eh ben, va en chercher, hein. Bien, père. D'un côté, je la plains, mais de l'autre, je la condamne. Et il va falloir que je prenne des mesures sévères. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais Madame Béatrice m'a fait dire par votre servante qu'elle désirait me parler. Et je voudrais savoir si elle a votre assentiment. Vous pensez bien qu'elle ne me l'a pas demandé. Mais s'agissant de vous, elle a sans doute estimé qu'elle l'avait implicitement. De toute manière, cette délicatesse vous honore. Vous voulez toujours l'épouser? De plus en plus. Bravo! Ça m'en fera toujours une de moins à la maison. Je suis d'avis de fixer au plus tôt la date de votre mariage. Le plus tôt sera le mieux. Monsieur mon maître, monsieur Lelio Bisognosi voudrait vous dire un mot. Il ose! Du calme, mon cher, du calme. Voyons un peu ce qu'il a encore inventé. Fais-le entrer, Colombine. Bien, monsieur. Que peut-il bien vouloir? Nous allons le savoir. Monsieur le docteur, je viens plein de honte et de confusion implorer votre pardon. Grâce à de nouveaux mensonges, sans doute. Oh non, monsieur, non. J'espère que vous n'avez pas oublié notre rendez-vous. Ah, monsieur Ta, vous voulez vous battre avec moi? Vous me traitez en ennemi? Moi qui allais vous demander d'intercéder pour moi. Auprès de qui? Auprès de monsieur le docteur. Qu'attendez-vous de moi, s'il vous plaît? Que vous m'accordiez la main de votre fille. Quoi? Oui. La main de ma fille quand vous êtes déjà mariée? Moi marié? Mais ce n'est pas vrai. Et eussé-je même seulement promis le mariage à une autre femme, je serais le dernier des misérables. Non, tous vos grands mots ne réussiront pas à me convaincre. Vos mensonges sont éventés. Mais qui vous a dit que j'étais marié? Votre père, avec la fille de Don Policarpe. Oh, monsieur, je suis navré de devoir donner un démenti à mon père, mais le souci de ma réputation et l'amour que j'ai conçu pour Madame Rosaura m'y force. Monsieur le docteur, mon père vous a dit une contre-vérité. Taisez-vous, vous n'avez pas honte. Votre père est un honnête homme, il est incapable de mentir. Vous voulez sans doute une preuve de ce que j'avance. Bien, tenez, voici un document que je viens de recevoir de Naples. Il dit noir sur blanc que je suis célibataire. Montrez-moi ce document. J'ai séjourné assez longtemps à Naples pour pouvoir dire s'il est authentique. Alors? Ce document est parfaitement en règle. Vous n'êtes donc pas marié, monsieur Léliot? Mais non, évidemment! Mais alors pourquoi monsieur Pantalon m'a-t-il fait croire que vous l'étiez? Tout simplement parce qu'il regrettait de vous avoir donné sa parole que j'épouserais votre fille. Comment voulez-vous que je vous croie? Lui et moi, nous étions d'accord sur tout. Mais oui, seulement ce matin, quelqu'un qu'il a rencontré sur la place Saint-Marc lui a offert sa fille pour moi avec une dot de 50 000 ducats. Je ne m'attendais pas à ça de la part de monsieur Pantalon. Que voulez-vous? Il n'a vu que mon intérêt. Et ainsi vous êtes amoureux de ma fille? Oh, à en perdre la raison. Mais avant-hier, vous ne la connaissiez même pas. Avant-hier ? Il y a 2 mois que je meurs d'amour pour elle. 2 mois ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'êtes de retour à Venise que depuis hier. Ah oui, oui, je sais, oui, tout le monde le croit, mais... Ah, monsieur... Monsieur, je vois qu'il faut que je vous dise tout. Ça me semble préférable. Depuis quand pensez-vous que je suis parti de Naples ? Votre père m'a dit qu'il y avait environ 3 mois. Et où étais-je pendant ces 3 mois ? À Rome, m'a-t-il dit. Non, la vérité c'est que je ne suis resté que 2 ou 3 jours à Rome et que je suis venu tout de suite à Venise. Et Monsieur Pantalon l'ignorait ? Oui, quand je suis arrivé, il était à la campagne. Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé l'y retrouver ? Parce que j'avais vu Madame Rosaura et que je ne pouvais plus vivre loin d'elle. Monsieur Lélio, je vous ai écouté attentivement et j'ai le regret de vous dire que vous nous prenez pour des idiots. Et pourquoi cela, je vous prie ? Je loge depuis 2 mois à l'auberge de l'Aigle. Et vous n'y êtes arrivé qu'hier. Évidemment, jusque-là, je logeais à l'écu de France. Mais pourquoi, si vous êtes amoureux de ma fille, avoir inventé cette histoire de sérénade et de souper ? La sérénade, c'est effectivement moi qui l'ai commandée. Et le souper ? Je l'avoue, j'ai pris mon rêve pour la réalité. Et cette promenade en gondole que vous avez faite ce matin avec les filles de monsieur le docteur ? Oui, oui, oui, oui, je sais. J'ai raconté nombre de balivernes, mais maintenant je le regrette. Et je ne recommencerai plus jamais. Monsieur le docteur, résumons la situation, voulez-vous ? Je suis le fils de Pantalon Bisognosi. Et de cela, vous ne pouvez douter. Vous mériteriez que je vous dise que si. Je suis libre, ce document l'atteste, n'est-ce pas, monsieur Octave ? Je ne puis le nier. Bon, bon, et ensuite ? Vous vous êtes mis d'accord, mon père et vous, pour que nous nous marions, madame Rosaura et moi. Oui, mais je regrette que l'appât de 50 000 ducats ait amené monsieur Pantalon à me faire l'injure de me manquer de parole. Et la vérité, c'est que les 50 000 ducats s'en sont allés en fumée, et que maintenant mon père se reprend amèrement de vous avoir menti. Mais pourquoi ne vient-il pas me parler ? Il est honteux, il n'ose pas. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé de venir vous voir à sa place. Ah, tout cela me paraît bien embrouillé. Forcément, avec tous ces mensonges. Allons, je veux bien vous donner ma fille. Oh. Comme ça, si monsieur Pantalon regrette ce qu'il m'a fait, il verra que je ne lui en tiens pas rigueur. Et s'il ne le regrette pas, ce sera un moyen de me venger de l'affront qu'il voulait me faire. Qu'en pensez-vous, monsieur Octave ? J'agirai de même à votre place. Monsieur Lélio, donnez-moi ce document qui atteste que vous êtes célibataire. Le voici, monsieur. Mais j'y pense. Depuis 3 mois que vous avez quitté Naples, vous pourriez très bien avoir contracté mariage. Puisque je n'ai pas bougé de Venise. Je peux vous croire. Même pour devenir empereur, je ne dirai pas le plus petit mensonge. Bon, je vais chercher ma fille. Ah. Et si elle est d'accord, l'affaire est conclue. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Une fois que je serai marié avec Rosaura, Cléonis pourra toujours venir me rappeler ma promesse. Monsieur Lélio. Oui ? Je pense que vous êtes convaincu maintenant que l'on obtient plus par la vérité que par le mensonge. Certes. Cela dit, je crains fort de ne pouvoir être à notre rendez-vous demain. Pourquoi cela ? Je serai trop occupé avec ma femme. En confidence, je crois que moi aussi, je vous aurais fait faux bon. Rosaura, monsieur Lélio, ici présent, vient de me demander ta main. Que dois-je lui répondre ? Mais père, ne m'avez-vous pas dit que monsieur était déjà marié ? Et on m'avait induit en erreur. Il me semblait impossible qu'il fût capable d'une telle fausseté. Oui, chère Rosaura, je vous aime trop pour pouvoir vous mentir. Il vous est pourtant arrivé de farder quelque peu la vérité. Je vais vous expliquer, ma bien-aimée. Plus tard, les explications. Rosaura, veux-tu de lui pour mari ? Si vous y consentez. Oh. Eh bien... Monsieur le docteur, je vous prie de m'excuser d'entrer ainsi, mais... Que fait mon fils chez vous ? Ce qu'il fait, monsieur Pantalon. Il est en train de réparer l'injure et l'affront dont vous êtes rendu coupable à mon égard. Moi ? Mais quel affront ? Et quelle injure ? Vous m'avez fait croire qu'il était marié pour ne pas avoir à me tenir parole. Si je vous ai dit qu'il était marié, c'est parce que lui-même me l'avait fait croire. Oh, quoi, père ? Ne parlons plus de tout ça. Madame Rosaura vient de consentir à m'épouser. C'est ce que vous vouliez. Tout le monde est content, alors. Tais-toi, misérable. Tenez, monsieur le docteur. Lisez cette lettre adressée à mon fils et que j'ai ouverte par erreur. Hein ? Lisez-la, et vous me direz si vous lui donnez toujours votre fille. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre ? C'est sûrement une erreur. Tais-toi ! Je vous en prie, monsieur le docteur, lisez-la à haute voix. Mon fils est certainement impatient d'avoir des nouvelles de Rome. De Rome ? Oh. Mon bien-aimé Lélio, votre brusque départ de Rome m'a plongé dans la plus atroce mélancolie, hein, et j'attends avec impatience que vous me fassiez venir à Venise pour me présenter à votre père. Je n'oublie pas que vous m'avez solennellement promis de m'épouser. Oh, ciel ! Bravo, monsieur Lélio ! Ainsi, vous êtes libre comme l'air. Vous n'en avez pas moins solennellement promis à Madame Cléonice Anselmi de l'épouser. Arrière, imposteur, libertin, débauché, impudent. Monsieur, monsieur, l'indiscrétion de mon père me force à vous révéler que cette Cléonice est une femme de peu qui, un soir où, je l'avoue, j'avais un peu bu, m'a fait tomber dans ses raies. Mais je ne lui ai fait aucune promesse et je la mets au défi de produire des preuves que je lui en ai fait. Il se peut que vous disiez vrai, mais vous m'accorderez que, vu les circonstances, la chose demande à être éclaircie. Oh. En attendant, je vous serai reconnaissant de bien vouloir quitter cette maison. Oh, vous voulez donc ma mort? Hors de la vue de ma chère Rosaura, le souffle me manque, je languis, j'agonise. Tout ça, je le crains, ce sont des mots. Figurez-vous que je ne suis même pas sûr que vous aimiez vraiment ma fille. Moi? Moi ne pas l'aimer vraiment? Oh, mais demandez-lui si en l'espace de quelques heures je ne lui ai pas donné les preuves de l'amour le plus sincère. Je vous en prie, madame. Parlez à monsieur votre père de la délicieuse sérénade dont je vous ai régalé hier soir. Parlez-lui de ce sonnet où je vous découvre avec tant de délicatesse les sentiments monsieur le docteur, que l'amour... Madame, l'honnête Brigella que vous voyez ici avec moi vient de me démontrer péremptoirement que je n'avais plus le droit de me taire. Monsieur Florindo, je vous ai même dit que ce serait criminel. Oui, c'est vrai, criminel. Il faut donc, si vous le permettez, que je vous révèle un secret qui... Bref, un imposteur ayant tenté de s'attribuer le mérite de mes attentions pour Madame Rosaura, je me vois contraint de me démasquer. Madame, c'est à moi que vous devez cette sérénade. Et le sonnet était de moi. Vous êtes un menteur! Je vous défie de prouver vos dires. Madame, pour la sérénade, je vous supplie de me croire sur parole. Quant au sonnet, en voici le brouillon. Monsieur le docteur et la compagnie, avec votre permission, la vérité m'oblige à dire que c'est moi qui, sur l'ordre de Monsieur Florindo, ai engagé les musiciens de la sérénade et que j'étais présent quand, de sa propre main, il a lancé son sonnet sur le balcon de Madame Rosaura. Et alors, que dit Monsieur Lelio? Moi? Je ris. Je ris comme un fou. Ah, je ne manque pas d'imagination, mais je l'avoue, j'aurais eu beau me mettre l'esprit à la torture, jamais je n'aurais pu rêver plus charmant divertissement pour Madame Rosaura. Un jeune Bénet donne une sérénade à la dame de ses pensées et met son point d'honneur à ce qu'elle n'en sache rien. Il lui compose un sonnet sibyllin, le lui lance sur son balcon et garde un silence également idiot. Il y a déjà là de quoi mourir de rire, non? Eh bien moi, j'ai rendu la comédie encore plus comique, puisque grâce à mes spirituelles inventions, j'ai contraint ce prodige de discrétion à se démasquer. Que pensez-vous de ces spirituelles inventions, Monsieur Pantalon? Moi, je suis abasourdi par une telle impudence. Et j'oubliais le plus beau, l'épilogue. Monsieur l'amant silencieux a fait tout ça pour émouvoir le cœur de Madame Rosaura, mais il arrive trop tard. Le cœur de Madame Rosaura est à moi, elle-même, et son père m'a accordé sa mort. Oh, doucement, monsieur Lelio, doucement. Vous trouvez que le dénouement vient trop vite? Oui, car tout le monde n'a pas dit son mot, n'est-ce pas, monsieur Florindo? Je ne sais que dire, monsieur. Bon, alors je vais vous interroger. Si je comprends bien, vous êtes amoureux de ma fille. Répondez oui ou non. Oui, monsieur. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Il n'osait pas, monsieur. Je n'osais pas, monsieur. Rosaura, veux-tu de monsieur Florindo pour mari? Réponds oui ou non. Oui, père. Mais madame... Vous êtes un menteur et pour tout l'or du monde, je ne voudrais vous épouser. Mais vous m'avez donné votre parole. Disons qu'elle vous l'a donnée comme vous avez donné la vôtre à cette romaine. Mais monsieur, il n'y a aucun point commun. Cette femme... Sauvez-vous, monsieur mon maître. Sauvez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai l'impression qu'il vaudrait mieux que je vous dise ça dans le tuyau de l'oreille. Non. Non, Harlequin. À haute voix. Nous voulons tous entendre. Eh bien... Oh, bien c'est tout simple. Monsieur mon maître, elle vient d'arriver à Venise. Qui cela, elle? Eh bien, la romaine de Monsieur Lelio. Madame Cléonice Anselmi, quoi. Tu en es sûr, Harlequin? Et comment? En somme, Monsieur Lelio, le nombre des femmes de mauvaise vie de Venise va augmenter d'une unité. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Oh, monsieur, Madame Cléonice, une femme de mauvaise vie? C'est la fille de l'un des premiers négociants de Rome. Ce n'est pas vrai. Harlequin ment comme il respire. Oh, ma parole, monsieur, vous me prenez pour vous. Tais-toi, insolent! Vous n'allez tout de même pas le croire, moi je suis un homme honorable, je ne dis pas de mensonges. C'est-à-dire que vous en débitez tellement que dans votre bouche, la vérité elle-même finit par sembler suspecte. Hors d'ici, misérable! Hors d'ici! Et plus vite que ça! Père, en me traitant ainsi, c'est vous que monsieur insulte. Ah non, hein? Ah non! tu ne vas pas me mêler à tes... Turpitudes. Ah, ma foi, le terme est un peu fort, mais faute de mieux. Merci, monsieur Bruguella. Je disais donc, tu ne vas pas me mêler à tes turpitudes. Je ne veux plus te voir. Disparais. Disparaissez. Que pouvait-il faire d'autre? Il disparut donc, et monsieur Florindo épousa madame Rosaura, et monsieur Octave, madame Béatrice, et ils furent tous très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quant à monsieur Lélio, il fut bien forcé de se marier avec madame Cléonis, et la vérité m'oblige à dire que ce mariage, hélas, ne fut pas la punition que le menteur de Venise méritait pour ses mensonges, car il fut lui aussi très heureux avec sa femme et eut beaucoup d'enfants. Vous venez d'entendre, dans une production consacrée aux aspects de la comédie italienne, Le menteur de Venise, de Carlo Goldoni, dans une adaptation inédite de Michel Arnaud. Voici quels en furent les interprètes. Lélio, Christian Allers, Brighella, Claude Pieplu, Octave, Robert Moncade, Florindo, Guy Bousquet, Arlequin, André Gilles, le docteur Balanzoni, Gabriel Jabour, Pantalon, Marcel André, Rosaura, Annie Sinigaglia, Béatrice, Catherine Lecouet, Colombine, Nicole Vassel, prise de son, Pierre Planès, collaboration technique, Édouard Campras, assistante de production, Ève-Augustin Henrault. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.